de sa qui gagne yoji, c'est ma poisson. Il fait ton galon plein de rêves. Moi dans ta parole ma fille parler. Moi ma de sa qui gagne yoji, c'est ma poisson. Il fait ton galon plein de rêves. Il fait des rêves. En déjà ta douce histoire, ma douce amie. Je sais qu'à Buenas Aires. côte carré.